À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune nord-sud du 15 juin, le comité national nigérien d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-il a inséré le discours dans son page d'internet, un écrit titré « Écho du 15 juin ». Par ailleurs, à la même occasion, le comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Sun 2017, l'association britannique d'études de la politique de Sun Gun, le cercle britannique d'études des études jutsu et l'association d'amitié Grande-Bretagne-Corée ont publié le discours une déclaration commune. La déclaration a indiqué que la déclaration commune du 15 juin traduisant la volonté et le désir ardent de toute la nation coréenne du Nord, du Sud et de l'étranger qui veut la réunification est adopté grâce aux efforts du général Kim Jong-il.